là ça va pas. Oh là je suis là. C'est moi que voilà. Ça va être la joie. Au nom de la loi. Les bandits sont là. Inspecteur Gadget, ils n'échapperont pas. Si l'inspecteur fait gaffe, fais gaffe au gadget qui marche ou marche pas. Le chef qui est là. Salut chef, c'est moi. Ça n'en finit pas. Et là qui va là. Et là ça va pas. Oh là je suis là. Oh là oh la loi. Gadget à main. Gadget au chapeau. Gadget au poing. Élastique au gadget. Et puis patatrac. Là le chef qui est là. Salut chef, c'est moi. Ça n'en finit pas. Moi que voilà, respecte un gadget. Ah ça va être là.